Écoutez les phrases qui suivent et soulignez la ou les syllabes accentuées. 1. Compte sur moi. 2. On n'a pas le choix. 3. Dites-lui que j'ai appelé. 4. J'ai changé d'idée. 5. Il faudrait que j'y pense. 6. C'est confirmé depuis hier. 7. As-tu fait ton changement d'adresse? 8. On se revoit après la réunion. 9. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. 10. C'est la même chose. 11. J'arrive demain. 12. Bonne fin de semaine. 13. Il a lu le rapport. 14. Il fait chaud aujourd'hui. 15. Je l'ai cherché toute la journée. 16. Je l'ai vu s'en aller. 17. Je ne vais pas en Floride cette année. 18. À votre place, je n'irai pas sans réserver.